l'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Boxe au Vélodrome d'hiver. L'ex-champion d'Europe, l'Italien Locatelli, est opposé au champion de France, poids moyen, Hassan Diouf. Sous l'égide du maréchal, la grande croisade d'entraide du secours national est commencée. Au Vélodrome d'hiver, 20 000 jeunes vont affirmer solennellement leur solidarité avec les prisonniers et leur volonté d'apporter une aide efficace. 9. Il se relève péniblement, mais ce n'est plus qu'un homme mort. La Légion des volontaires français contre le bolchevisme s'est constituée. Sa première réunion a lieu au Vélodrome d'hiver. Ce n'est pas le peuple français, c'est la bande de salons de juifs et de capitalistes qui nous dirigeaient. Et il retombe encore cette fois lamentable. Va-t-il être sauvé par le gong? Il tombe complètement hors et le gong le sauve. Rafle du Veldive, 8e épisode, Les fantômes de Grenelle. Alain Lefkovitch, Séverine Cassard. Ce qui m'a toujours étonné, ce sont les gens qui me disent « Ah, tu habites en face du Veldive ? Oh là là, moi je pourrais pas habiter là. Ça me ferait faire des cauchemars. » Non, moi au contraire, ça ne me donne pas de cauchemars. Moi, ça m'a donné l'envie de témoigner, enfin à ma manière, de réunir des documents pour la postérité. Et c'est pour ça que je suis très content que vous puissiez les emporter aujourd'hui. C'est extraordinaire, parce que tout ce que vous avez vu passer, que ce soit dans les émissions télé, dans les journaux, etc., vous l'avez soit cliché, soit pris une copie, soit découpé, etc. C'est un vrai travail de documentaliste, hein, absolument. Oui, oui, oui, oui. Et c'est formidable, parce que vous avez fait ça bien avant que... Bah, déjà, moi, par exemple, bien avant que je commence. Et d'autres s'en sont jamais préoccupés, quoi. Claude Richard habite au numéro 4 de la rue Nélaton, à quelques encablures de la station de métro Grenelle, rebaptisée Bir Hakeim, en face de là où s'élevait, jusqu'à la fin des années 50, le Vélodrome d'hiver. Collectionneur et arpenteur invétéré, rien ne lui échappe dans ce 15e arrondissement de Paris, dont il connaît toutes les rues, les impasses et les moindres recoins. Ce matin, il a rendez-vous avec Karen Taïeb, responsable des archives du mémorial de la Shoah. 9h pétante, elle arrive chez l'octogénaire avec 5 cartons sous le bras, destinés à emporter les archives que M. Richard a compilées depuis près de 60 ans sur cette rue Nélaton et son célèbre Veldive. Bon, alors j'ai sorti non seulement ce que je vous avais promis concernant les reproductions de photos, donc il y a aussi tous les livres sur le Veldive. Donc je fais les cartons pendant qu'on parle, parce qu'en fait c'est ça, moi je suis venu avec les cartons, oui. Je les remplis. Grenelle était très ouvrier. Oui. En fait, il y avait deux pôles d'attraction à Grenelle. Il y avait les usines Citroën et le Veldive, et les 6 jours. Les épreuves cyclistes, c'était un événement national. Il n'y avait pas la télévision, mais il y avait énormément de gens qui se pressaient pour les courses du Veldive. Et les photos d'ailleurs, on voit les gens faire la queue, ça fait tout le pâté de maison autour du Veldive, ouais. pour assister. Et vous y êtes allé? Oui, en 42 ou 43, je suis allé avec mon père au Veldive, mais je ne crois pas que c'était les 6 jours, parce que j'ai vu sur Internet que les 6 jours ont été interrompus pendant la guerre. Et en plus, mon père, qui était coureur amateur, courait de temps en temps au Veldive. Et il m'a emmené, je vous l'avais raconté, quand j'avais 4-5 ans, mais je ne me rappelle plus exactement la date. J'ai donc couru sur les banquettes à claire-voie du Veldive, sans me douter que quelques mois avant ou quelques mois après, je ne saurais le dire, il y a eu l'abominable rafle. Pourtant, une chose manque à la collection de Claude Richard. Des photos de cette enceinte où toutes les passions ont éclaté. étrange haut lieu de la fraternité, de la joie, de la haine et de l'infinie misère des hommes devenus cimetière de millions de rêves. D'ailleurs, il n'en existe à ce jour qu'une seule, prise au moment de la rafle, celle qu'a retrouvée la documentaliste Roselyne Bloch. C'était à la fin des années 80. On a toujours dit il n'y a pratiquement pas de photos. Et puis, à la Bibliothèque historique de Paris, je suis tombée sur cette fameuse photo où on voit des autobus qui attendent. Je ne savais pas que c'était la rue derrière le Veldiv, puisque moi, je n'ai pas connu, bien sûr, le Veldiv. Mais tout de suite, Serge Klarsfeld a dit, ça, c'est la rue derrière avec les autobus qui amènent. Et donc, cette fameuse photo qu'on voit aujourd'hui, qui est bien indexée Bibliothèque historique de la ville de Paris. Donc j'ai pu savoir que c'était bien une photo des rafles de 1942. Mais avant, j'avais cherché pour le Veldiv. Serge Klarsfeld, historien, président de l'Association des fils et filles des déportés juifs de France. J'étais allé, parce qu'on publiait des photos dans les journaux, avec la piste du Veldiv et la pelouse du Veldiv. Je suis donc allé à une époque où peu de gens s'intéressaient à ce problème. Je suis allé à l'agence, l'AFP, et j'ai demandé qu'on m'apporte les photos. Et j'ai vu que ces photos ne correspondaient pas au récit des Juifs qui étaient sur les gradins. Là, on voyait la pelouse, mais il n'y avait pas d'enfants. Alors, il y avait quand même 4000 enfants au Veldiv. Donc j'ai eu un doute. Et ensuite, j'ai vu dans le crapouillot une photo où on voyait un policier français et on voyait, il y avait marqué que c'était les collaborateurs. Et c'était la même vision du Veldiv avec la pelouse et la piste cyclable avec les femmes d'un côté et puis les hommes sur la pelouse. Et ça, ça correspondait absolument pas à ce que les survivants me racontaient, les enfants qui étaient sortis du Veldiv ou les adultes qui étaient sortis du Veldiv. Et pour le moment, je n'ai pas pu encore entrer dans le Veldiv avec les Juifs en photo. Mais je ne désespère pas parce que les Allemands ont filmé une lettre d'un enfant qui dit « Des Allemands sont venus nous filmer à l'intérieur du Veldiv. » Et puis, je pense que quand même, il y a peut-être un journaliste qui a pu entrer ou un Allemand qui a pu prendre des photos, etc. Je sais que l'ancien chef du service juif de la Gestapo est devenu conseiller juridique après la guerre. Il est mort malheureusement avant qu'on ne commence notre activité. Il est mort dans les années 60. Mais il était conseiller de Volkswagen, je crois, à Wolfsburg. J'ai pensé qu'il aurait fallu cambrioler son appartement pour voir son album photo de la période parisienne, puisqu'il a passé quand même 3 ans à Paris, et voir s'il n'y avait pas de photo du Veldiv. Mais bon, peut-être on trouvera quand même. J'ai trouvé l'album d'Auschwitz, donc on peut trouver quand on cherche. Donc il était là, le vélodrome. Il était là, et l'entrée, la photo que vous voyez sur la plaque là-bas, avec les bus qui sont garés devant l'entrée du Veldiv, en fait, cette entrée du Veldiv, elle est très exactement face à la rue Nocard, qui est un peu plus loin sur notre droite. On voit le métro aérien déjà dans le fond de la rue. Karen Taïeb. C'est la seule photo qui est datée du jour, d'une des deux journées, en tous les cas, de la rafle. Je crois que c'est le premier jour d'ailleurs, puisqu'on voit que le sol est mouillé. Et effectivement, il y a eu une averse. La météo de l'année 42, de juillet 42, on a pu retrouver qu'il a plu dans la nuit. Donc ça correspond tout à fait. Mais c'est la seule photo. Et en fait, moi, quand je suis venue rue Nélaton il y a pas très longtemps, je voulais, et j'aimerais toujours, pouvoir identifier précisément de quel balcon la photo a été prise. Je me dis que peut-être en sachant très exactement de quel appartement la photo a été prise, on aurait peut-être plus de facilité à comprendre qui a pris la photo. Et étonnamment, pourquoi il n'y en a qu'une qui a été prise? Je veux dire, à l'époque, même si la photo n'était pas aussi répandue qu'aujourd'hui, Un photographe de presse, il ne fait pas une seule photo, il en fait plusieurs. Et en faisant les recherches là récemment dont je parlais, j'ai trouvé une autre photo sur laquelle apparaît la mention manuscrite « La rafle des tondus, Veldiv 44 ». Il y a deux photos où on voit de nouveau des bus devant le Veldiv, donc prise de l'extérieur cette fois-ci, comme ça l'avait été pour la rafle, des policiers en képi, en uniforme également sur le trottoir, et une photo d'un char américain qui passe sous le pont de Bir Hakeim, juste au bout de la rue. Voilà. Et cette photo, c'est elle qui m'a conduit à M. Richard, puisqu'elle était créditée de son nom, mais Claude Richard, vous pensez, c'est un nom quand même bien répandu, bien courant, donc il a fallu faire une petite enquête pour le retrouver, et quand je l'ai rencontré, il m'a expliqué que ces trois photos, donc, il les avait découvertes au moment où ses voisines du dessous déménageaient, sur le dessus de la poubelle, il a trouvé ces photos, donc il a ramassé et qu'il a conservé. Donc des photos, des tirages originaux. Trois photos qui apportent un éclairage encore différent sur cette vision de la rue, puisque bah voilà, le Veldiv n'existe plus, tout a été détruit. Parce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, quand on vient ici, moi il m'a fallu le plan pour me rendre compte que le Veldiv, ça partait d'une extrémité et que ça allait jusqu'à l'autre bout de la rue. Donc c'est énorme en volume, en plein cœur de Paris. C'était un vrai village, il y avait le quartier des coureurs, où ils entreposaient leurs vélos, leur matériel, etc. C'était énorme. Il y avait une buvette, il y avait un café, il y avait même une salle de sport. Donc il y a une histoire dans cette rue. Et il est sans doute un peu tard pour interroger les gens. Je ne sais pas si quelqu'un ne l'a jamais fait, en fait, du porte-à-porte. Est-ce que Lévy, Claude Lévy et Paul Tillard l'avaient fait au moment de leur livre? Je ne sais pas. Il aurait fallu, dès les années 70-80, les taper aux portes. Mais on ne l'a pas fait à Drancy, on ne l'a pas fait, je pense, Runé-Laton. Et aujourd'hui, même si on veut le faire, il est assez peu vraisemblable qu'il y ait des habitants qui résident encore là et qui étaient là en 42. Mes chers auditeurs, quelle ambiance cette année dans ce vélodrome d'hiver! Les coureurs n'arrêtent pas de répit, des chasses continuelles, des primes incessantes. Vraiment, les populaires en ont pour leur argent cette année. À la pelouse, les plus belles femmes de Paris. Bonjour, on travaille à France Culture. Oui. Et on fait une série de documentaires sur le Veldiv. Ah, peut-être, on vient d'en parler. Ah, voilà. Et donc on l'a connu. Alors on l'a fréquenté. C'est-à-dire? Il y avait les nuits d'Arnée, il y avait pas mal de choses. Hein. Il y avait, qu'est-ce qu'il y avait encore? Le patinage artistique, il y avait de la boxe, il y avait les six jours. Il y avait, du vélo, ouais, il y avait pas mal de choses. Hein. Maintenant, et justement, je disais, je me demande comment ça se fait que les Juifs ont accepté qu'on démolisse ce bâtiment. Pourquoi? Parce qu'en 1942, on les a mis là-dedans et on les a déportés. Il y a une plaque. Mais bon, le bâtiment lui-même a été démoli. Hein. On a connu ça, on était tout petit. Puis tous les commerces, là, les bistrots étaient pris par des gens qui faisaient de la boxe et ainsi de suite. Maintenant, le restaurant, c'était, vous n'avez pas connu ça, Routis. Oui, il y avait beaucoup de sportifs. Et alors cette rafle, quelle mémoire on garde de cette rafle dans le quartier? Les gens comme nous. Moi, j'ai pas connu. Maman a connu parce que ma mère allait faire des ménages. Où c'est qu'il y a l'église russe maintenant? Avant, c'était le centre météorologique. Et quand elle partait le matin à 6 heures du matin, elle a entendu les gens crier. Hein. Donc elle m'en a parlé. C'est vrai que c'est quand même triste. Hein. Mon papa travaille au Gaz de France. Et il y avait le Noël du Gaz de France au Veldiv. Et c'était le cirque. Et donc, c'était la joie. On riait, on regardait tous les animaux, les artistes. Et puis, on allait chercher nos petits jouets dans les allées et tout. Et j'ignorais totalement ce qui s'était passé. J'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et mes parents m'en ont jamais parlé. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait drôle quand même. Savoir ce qui s'était passé longtemps après, j'avais quoi, 13, 14, 15 ans peut-être à l'école, je l'ai appris, mais voilà, donc après c'était quand même, c'était un vélodrome au départ, hein. Voilà, moi mon petit souvenir du Veldiv, il est plutôt joyeux, mais enfin ça fait drôle quand même. Pousse, ancienne star des Six Jours de Paris, ou comment le sport rejoint l'horreur. Archives du 7 février 1990. On a refait les Six Jours à Paris en 1946, que j'ai couru du reste. avec Delvoye comme équipier. Oui, la rafle du Veldiv, je me souviens d'autant mieux que j'avais une cabine au Veldiv où je mettais mes vélos de piste. J'avais sept vélos, pourquoi derrière moto, en vitesse pure, etc., ou des courses américaines, ou des six jours, des machins. On avait des vélos un peu différents. Et je courais en province, et je viens chercher mes vélos. Et je ne savais pas ça. Oui. Et j'arrive là, il y a des flics partout. Je veux rentrer, il y a un flic qui me dit non, on ne rentre pas. Je dis comment on ne rentre pas, je suis chez moi ici, moi je suis locataire, hein, parce que on louait, la cabine a été louée. Je dis où est le commissaire de police, il me dit il est là-bas, alors je vais le voir. Il me reconnaît, j'étais un coureur connu, et il m'a fait rentrer. Je suis rentré dans ce Veldiv où c'était toujours la joie, des cris, des trucs, et j'ai vu ce mélange de grandes personnes et d'enfants qui étaient là, de toutes les catégories, et qui étaient évidemment, il y avait déjà deux ou trois jours qu'ils étaient là, ça sentait mauvais, c'était épouvantable, les mômes gueulaient, parce que les grands, je ne dis pas que c'est bien, mais les mômes, c'est épouvantable de voir des enfants de tous âges. Mais comment est-ce qu'on a pu organiser à nouveau les six jours dans ce lieu après la guerre ? Vous savez, ça ne vous a pas étonné ? Vous savez, ça s'est passé en 46, les six jours après. Oui. Donc, vous savez, l'être humain, heureusement, a une très grande faculté d'oubli. Et on n'avait pas complètement oublié, on ne l'a encore pas oublié, ça, évidemment. Mais je veux dire, la vie continue, quoi. La vie continue. Quand je suis arrivé ici, en 66, j'ai commencé par interroger tous les gens de l'immeuble. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de... C'était tabou encore, en 66. Les gens n'avaient pas vu, ne voulaient pas voir. Claude Richard et Karen Taïeb. Le Veldiv avait été détruit en 59, donc il n'y avait pas tellement longtemps. Et puis aussi, dans les années 60, c'était encore assez caché. Hein. Les guichets du Louvre, ça passait pas. Qu'est-ce qu'il y avait aussi, l'émission, un documentaire. Le chagrin et la pitié, voilà. Bon, alors, tout ça me désolait, quoi, parce que moi, j'étais tout à fait pour. Hein. Pour qu'on parle, voilà. Dernière soirée des six jours de Paris, ambiance survoltée. Il y a en effet ce soir, en plus de la fumée, de l'électricité dans l'air. Voilà, non, mais moi, je me souviens de l'ambiance, des lumières, des rétros, qui était un speaker qui disait « Une prime de 50 francs est accordée ». Donc, le Veldiv a servi à énormément de choses. Il a servi au cirque, il a servi à Holiday on Ice, il a servi à... En septembre 42, donc quelques semaines après la rafle et l'internement, il y a une corrida au Veldiv. Il y a une corrida, voilà. Et oui, une corrida à guichet fermé, un mois et demi après la rafle. José Paradas, José Piles et Emma Calais sont dans l'arène. Show must go on. D'ailleurs, le 1er mai 1942, Marcel Cerdan n'entrait-il pas dans la légende sur le ring du Veldiv ? À Paris, engagement sportif d'importance. Dans un vélodrome d'hiver bondé de fanatiques de la boxe, Marcel Cerdan fait une rentrée sensationnelle. Un crochet du gauche doublé d'une droite au menton, Humery est à terre, foudroyé après 12 secondes de combat. À peine commencé, le match est déjà fini. Ah tiens, pendant que j'y pense, vous voyez, vous avez retrouvé. Alors ça, vous voyez, c'est C'est une prise de vue intéressante parce qu'on voit l'entrée du Veldiv. Et c'est cette entrée-là, par cette entrée-là, que les Juifs arrêtés au moment de la rafle du Veldiv, les bus seront garés devant cette entrée-là. Voilà. Et pas devant l'entrée boulevard de Grenelle. C'était plus discret, je suppose. Hein. Voilà, donc là, on a le Veldiv, les façades du Veldiv, à toutes les époques. Voilà. Sous toutes ses formes, surtout le boulevard de Grenelle et la rue Nélaton. Le plan qui est très bien, qui permettrait quasiment de faire une reconstitution du Veldiv. Mais moi, ce que je déplore, c'est que dans le quartier, il y a depuis quelques années un effort énorme et méritoire pour commémorer cette rafle du Veldiv. Et il y a des plaques, il y a des monuments, il y a un jardin des enfants du Veldiv, c'est très bien, je suis ravi de tout ça. Mais la mairie de Paris a complètement oublié tous les événements sportifs et autres qui ont eu lieu depuis 1911, depuis la construction du Veldiv jusqu'en 1959. Parce qu'il y avait des choses extraordinaires. Je vous ai fourni une photo où on voit des chameaux dans la rue Nélaton. Il y a un éléphant aussi, je ne l'ai pas cette photo, mais il y a un éléphant dans les rues du 15e qui se dirige vers le... Ça ne pourrait pas être mis sur le même plan, la pose de la plaque qui se trouve non. sur le jardin en face, rappeler... Bien sûr, il ne faut pas mélanger les deux. Mais il y a eu une histoire d'un bâtiment parisien. Voilà, qui existait, oui. Histoire d'un bâtiment parisien et histoire aussi d'un mode de vie des Parisiens qui, dans le 15e, c'était très populaire. Ouais. Comme il y avait beaucoup de combats de boxe, les boxeurs... prenaient leur retraite et achetaient des cafés aux alentours du Veldiv. Et donc, ça drainait une population d'ouvriers qui adoraient la boxe, qui sortaient des usines Citroën. Voilà. Et comme il y avait beaucoup de coureurs, il fallait beaucoup de vélos. Et il y avait énormément de marchands de vélos. Et rue Nélaton, en bas, moi, la première fois où j'ai fait le tour c'était en 54, ça, et j'ai voulu voir ce qu'était le Veldiv, et j'avais 16-17 ans, et bizarrement, ce qui m'a attiré, c'est pas tellement le Veldiv, parce que c'était un immense bâtiment noir, sombre, assez rébarbatif, et ce qui m'a attiré, c'était le marchand de vélo qui se trouvait rue Nélaton. Prenez le métro, vous foncez dans le populo, il y a tout là-dedans. Des mécanos, des employés, des aristos, des petites poules parfois qui sont belles. Tout ça, ça descend à Grenelle. Vous avancez et vous lisez sur le ponton rue Nélaton et au-dessus en lettres vives. Vélodrome d'hiver, mon Veldiv. Veldiv, quand je t'ai vu pour la première fois, il y a combien de ça, je ne sais pas. Vous connaissez cette chanson d'Yves Montand sur le Veldiv ? Ah oui, dans ce que vous avez emmené, il y a le petit format. Vous savez, après la guerre, les gens dans les rues achetaient des chansons imprimées. C'est ce qu'on appelait des petits formats. C'était les chanteurs des rues. Et je vous ai passé la chanson Veldiv imprimée. Avec le portrait d'Yves Montand. Alors, 1948, hein, c'est bien ça ? 1948. Mais ça n'avait rien à voir, hein. C'était sur le cyclisme, sur le populo. Hein. Ce qui est aussi désolant, c'est que non seulement ça a servi à divertir les gens, mais ça a servi à les interner, puisqu'il y a eu la rave du Veldiv. Après, il y a eu l'internement des collabos. Et avant, en 1940, on a interné les femmes ressortissantes des pays ennemis, avant l'occupation par l'Allemagne. Voilà. Donc les femmes allemandes et autrichiennes ont été internées quelques jours au Veldiv, tandis que les hommes étaient, eux, au stade de Roland-Garros, Colombes, etc. Voilà. Donc c'est fou ce lieu qui change entre les événements sportifs de toutes sortes, les événements politiques... Les meetings énormes, de droite, de gauche, les syndicalistes, tout ça. Oui, le Parti communiste, Doriot. Ah si, il y a eu aussi en 58, quand de Gaulle est arrivé au pouvoir, il a demandé à Papon, son ministre de l'Intérieur, de non pas de rafler les Algériens, mais de les contrôler. C'était l'époque du FLN et du MNA. Et bon, la pleine guerre d'Algérie et... j'ai fourni également des documents où des Algériens sont convoqués au Veldiv pour vérifier leurs papiers d'identité avec, j'espère, respect. C'est moins sûr. Ce sont des photos où on voit les femmes d'Algériens qui se massent au bout de la rue Nélaton en attendant que leur compagnon ou leur mari ressortent des contrôles. C'est ça qui est très intéressant avec ce lieu en particulier, quoi. Il a une vie multifacette, et finalement l'internement, que ce soit les femmes allemandes et autrichiennes, que ce soit les juifs, que ce soit les collabos ou alors encore les enquêtes qui ont été faites en 58 là des gens d'Afrique du Nord, si on met toutes ces périodes là bout à bout, ça fait pas un mois. Alors que le Veldiv a duré 1910 et détruit en 59. Il existe maintenant un jardin du Veldiv que j'ai conçu, où se trouvent tous les noms de tous les enfants, le nom, le prénom et l'âge de tous les enfants par ordre alphabétique sur un mur, et puis il y a de la verdure. Serge Klarsfeld. Et puis il y a les photos métallisées d'une centaine de photos de familles juives ou d'enfants juifs, surtout que des enfants juifs qui ont péri au Veldiv. Et nous avons d'ailleurs rassemblé pour les enfants du Veldiv plus de 2000 visages des 4000 enfants par les photos. Est-ce qu'elle est écrite, cette histoire du Veldiv, ou est-ce qu'il y a encore des choses à écrire sur le Veldiv? Il y a beaucoup encore à écrire, mais la micro-histoire, je dirais, plutôt que la grande histoire. La grande histoire, on la changera plus tellement. Mais pour être sûr que la grande histoire dit la vérité, il faut réunir au fond, je dirais, des milliers et des milliers de témoignages, de parcours, etc., pour pouvoir vérifier que la grande histoire a raison, quoi. Voilà. Et donc, ceux qui défendent Vichy ne nient pas ce qui s'est passé, mais disent que si Vichy n'avait pas été là, ça aurait été bien pire. Mais eux ne pourront jamais prouver que si Vichy n'avait pas été là, ça aurait été pire, et nous pouvons prouver que ce qui s'est passé était horrible. Voilà, bon, malheureusement, c'est comme ça. On ne peut pas effacer le fait que des dizaines de milliers de Juifs ont été arrêtés par la police française. On ne peut pas les livrer aux Allemands pour être déportés. On ne peut pas l'effacer. Plenish emot, sheshet milione acheinu vene Israel, anashim, nashim, yeladim veyeladot. Merci à Claude Richard, à Karen Taïeb du Mémorial de la Shoah, à Roselyne Bloch et à Serge Klarsfeld. Merci aussi à Véronique de Saint-Pastou pour les archivinas. La rafle du Veldiv, les fantômes de Grenelle. Mixage, Antoine Diossa. Attaché d'émission, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervan. Un documentaire d'Alain Lefkovitch, réalisé par Séverine Cassard. יימח שמם באושוויץ, מיידנק, טרבלינקה, מאוטהאוזן ובשאר מחנות.